Audiomatique. En ouverture de la transmission 269 d'Audiomatique, il s'agissait de l'auteure, compositrice, interprète britannique Elizabeth Caroline Orton, qui est mieux connue sous le nom de Beth Orton. Elle nous interprétait la chanson Blood Red River, extraite de son troisième album intitulé Central Reservation et lancé en 1999. Les sonoristes apprécient l'éclectisme musical et ne se donnent aucune restriction quant à leur choix sonore. Du son brut d'une locomotive à la musique classique, en passant par l'alternatif, l'électro, le jazz et tous les sous-genres imaginables, nous ne nous limitons jamais lorsque nous puisons dans le vaste et infini répertoire des sonorités qui définissent l'existence et l'expérience humaine. Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí, ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí. Ahora yo te pido que le des olvido pronto a tu loco amor, porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un poquito de miel. Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Ahora que todo es distinto y el otro amor ya te olvidó, ahora que te has dado cuenta recién de quién he sido yo, ahora te lo ruego que apagues el fuego que quedó de nuestro amor, porque no vale la pena que volvamos a empezar. Con un poquito de miel serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel, porque no vale. La formation londonienne Kitchens of Distinction concluait cette séquence musicale à Audiomatique avec la version démo de leur pièce Prize, composée pour le premier album Love is Hell, sorti en 1988. La version démo de Prize que nous avons entendue apparaît sur l'album double Capsule, qui est en fait une anthologie de pièces composées entre 1988 et 1994. Avant Kitchens of Distinction, nous écoutions la formation Los Iracundos et leur pièce Por qué no vale la pena, tirée de l'album Y te has quedado sola, paru en 1974. Soulignons au passage que Los Iracundos est un groupe de l'Uruguay formé au début des années 60 et qui a connu un énorme succès dans le monde hispanophone. Et pour commencer, nous écoutions une pièce de David Bowie, à savoir The Assassin, qui se retrouve sur l'album Lodger, sorti en 1979. À Audiomatique, nous poursuivons avec le groupe danois Miu. Thank you.

Bye. Nous venons tout juste d'entendre à Audiomatic le groupe anglais Medicine Drum, qui a été fondé en 1995 et qui est mené, entre autres, par Andy Guthrie, qui a déjà été membre de Banco de Gaia. Du premier album de Medicine Drum, qui prend le titre de Super Nature et qui est sorti en 1997, nous avions droit à la pièce Water. Et pour débuter ce segment musical, la formation danoise Mew nous présentait la pièce Comforting Sounds de leur troisième album paru en 2003, Frangers, qui est un amalgame entre les mots friend et strangers. Audiomatic se poursuit avec une pièce de l'artiste Lou Doyon. We've named everything from the ground to the walls, climbed every mountain and turned every stone that was defined there. That was defined there. We conquered the deep, still looking for more. Trooped for the east, the south, the west and the north. And the north. We built the machines, the trains, the planes, the cars of our dreams to reach out for places no one can find. We figured it out, creation and God imposed our beliefs, yeah, 'cause they're better than yours, don't you know it? Hey, don't you know it. Perfectioned our weapons, but we still need more to balance our peace. We're selling you war. Can you afford it? Hey, can you afford it? We're tempted for a seat, and we're still growing more. It's a brave new world that I'm heading for. Hey, have you read it? Hey, have you read it? We've named everything from the ground to the walls and climbed every mountain and turned every stone there was to find there. There was to find there. Conquered the deep, still looking for more. Troop for the east, the south, the west, and the north. In the north, we figured it out. Creation and God imposed our beliefs, yeah, 'cause they're better than yours. Don't you know it? Don't you know it? Perfectioned our weapons, but we still need more to balance my peace. I'm selling you war. Can you afford it? Can you afford it? We built the machines, the trains, the planes, the cars of our dreams to reach out for places no one can find. Places, places, places, places. Places, places, places, places, places, places. We built the machines, the trains, the planes, the cars of our dreams to reach out for places no one can find. Mm-hmm. Cette séquence à Audiomatic se concluait sur la musique du pianiste Brad Meldo et son trio composé du contrebassiste Larry Grenadier et du drummer Jeff Ballard. De l'album Odd, paru en 2012, nous écoutions la pièce Eulogy for Gregory Hansen. Et avant le Brad Meldo trio, nous entendions Loudoyon et la pièce titre de son premier album Places. Afin de mettre un terme à cette transmission 269 d'Audiomatic, nous vous ferons jouer le groupe allemand Terra Nova et sa composition intitulée Never, que l'on peut retrouver sur l'album Close the Door, lancé en 1999. La transmission 270 d'Audiomatic sera diffusée mercredi prochain dès 17h en direct sur les ondes de la radio C'est Fou 89.1 FM. Nous vous invitons à découvrir nos choix musicaux en naviguant à travers nos archives accessibles sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Terra Nova et la pièce Never. C'était Audiomatic avec les sonoristes.